Bismillahirrahmanirrahim. Dans les dernières, on a pris. Hamza. Hamza, oui. Mutarrifa. Enfin, le mot. Ma hukmuha. À la حسب la harakat التي قبل كان الضمه في سيكون على الضم ممكن فتحه على الالف ممكن كسره على الياء ممكن سكون ممكن الحرف ساكن يعني على السطر على السطر احسنت qui se met tout simplement sur la lettre qui correspond à la harakat qui la précède et comme tu as dit si le harf qui est devant est ساكن on écrira le hamza sur le sotr. والاسم المنون المنصوب الالف دي نصب من الاصل انه يكتب وكان الله غفورا رحيما على فهم من الالف سوف دون كات كا ما هي كلمه مكتوبه بالتربطه الاسم تربطه مثل سياره تقول رايت سياره بدون الف او الاسم المقصود الذي اخره الف لازمه رأيت موسى رأيت فتى إن كان الهمزة على الألف على سورة الألف أيوة من وجد ملجأ ملجأ يعني بدون ألف والأخير كان إذا كان على السطر وما كان قبله ألفا مثل اشتريت دواء هنا دواء يكتب التنوين على الحمزة مباشرة بدون ألف لأن الحمزة جاية عن ألف كي دوني دفن par contre s'il n'est pas présenté dans un livre devant d'accord mais un livre derrière et si jamais la lettre qui est entre qui est sakin qui est entre le Hamza s'accroche à un alif, on écrit le hamza sur Nabra. Comme Shay'an. Mathalan. Raitu Shay'an, falala, le ya. À la base, s'accroche avec le alif. Donc là, le hamza, on écrit sur le nabra. Qala, hafizallahu ta'ala. Al med fi wasat al kalima. Maintenant, le med en milieu de mots. Al medu ibara an alif qablahu hamza. Wa suratuhu alif fawqaha. فوقها علامات المد هكذا الموج d'accord ce med là c'est le med là on parle du med du alif qui est la forme du alif avec au dessus le موج la vague قال donc maintenant le règle en milieu de mot comment on sait qu'on écrit un med en milieu de mot قاعدة المد إذا وإذا وليت الحمزة ألف في وسط الكلمة سواء ألف الاثنين الاسمية وألف تثنية مسبوقة حمزتها بساكن وكانت الحمزة من حقها أن ترسم على صورة الألف فإنها ترسم ألفا واحدة فوقها علامات المد هكذا si jamais le حمزة est suivi d'un ألف au milieu du mot en dehors du ألف الاثنين اسمية donc suivez le rempart dans la règle de toute façon à la base il vient pas au milieu du mot quand même donc sur l'istisna là, il aurait pu s'en passer parce qu'il ne vient pas au milieu du mot à la base. Et également, le alif du musanna, fait exception, alif du musanna, s'il est précédé d'un hamza dont la lettre qui est avant lui est sa'akin. D'accord ? Dont la lettre qui est avant le hamza est sa'akin. Et que ce hamza est de celui qui s'écrit sur le alif, alors à ce moment-là, on fait Ahmed. Donc il y a deux exceptions. D'accord, alif al-isnain qui vient en fin de verbe, il ne rentre pas de la règle. Et le alif du musanna, il est précédé d'un hamza, qui lui-même précédé d'un harf sakin. Exemple. Tadbiq wal-qa'ida. Yursamu al-mad fi wasat al-kalima hakada, inda tahakkuk al-shurut al-mazkura fi al-qa'ida. Lorsque les shurut sont remplis, on écrit le alif en mad. Nahu. Malun. ومآل مآب مآرب مآثر مآكل مآقي سآمة ضآلة مآل مآب مآرب مآثر مآكل مآقي سآمة ضآلة. Donc là, مثلاً, là c'est un alif qui est venu après un hamza qui à la base s'écrit sur un alif. Après, les exemples avec le mu'annas salim. Si jamais on a un mot qui finit par qui à la base finit par le hamza, maftouha sur un alif, et qu'on veut le faire en jam, mu'annas salim. On va rajouter quoi à la fin? Un alif et un ta. Ça va faire comme ça. Mukafa'atun, mufaja'atun, muncha'atun, mubtada'atun, wa mubarra'atun. À la base, c'est mukafa'un, mufaja'un. D'accord? À la base, c'est ça. Et là, ce hamza, c'est écrit sur le alif. Et comme on l'a mis en jamouzak al-mu'annas salim, à la fin, on a ajouté le alif avec le ta. Ça fait le med. Après l'exemple avec le musanna, nahum al-ja'ani, manja'ani, mabda'ani, mubtada'ani, naba'ani, khata'ani. Thumma qala malhouza, on y remarque. Al-hamzatu al-mushaddalatu, hukmuha hukm al-mukhaffafa. Le hamza sur lequel il y a une shadda, on lui applique la même règle que le hamza qui est mukhaffafa. Ça veut dire que si un mea vient et que derrière il y a un alif qui va suivre, on va mettre le med. Comme dans l'exemple qui donne Nahu, la alun, sa'arun, za'arun, sa'alun, wa'adun. Donc là, à la base, ça aurait été Mesalen, le premier ça aurait été la alun. D'accord? Ça aurait été l'em. D'accord? Après, hamza sur le alif, avec une shedda. Et ensuite, alif. Saakin. Et ensuite, l'em. On a fait comme le reste. On a fait le med. Quand les qawluhu sawa alif al-isnain al-ismiya, comme je l'ai dit, c'est le alif al-isnain, celui qu'on vient à la fin d'un verbe. Et il dit ولايه الحمزه الف الاثنين الاسميه فاننا نبقي الحمزه على سوره الالف ونتبعها بالالف الاثنين وان توالت الامثال donc maintenant si on a un alif al-ithnain qui vient en fin de verbe à la suite d'un hamza qui est sur un alif, ce alif al-isnain, on le laisse comme il est. D'accord? On le laisse comme il est. Même si ça amène à ce qu'on ait deux alifs d'affilée. Parce qu'on avait dit à la base, tu kara hada fil lughat al-arab. Donc on enlève l'un des deux. Et là, non, il reste. Taqul, kara'a, nasha'a, bada'a, yakra'ani, yansha'ani, yabda'ani, ikra'a, Incha'a, Ibda'a. D'accord? Là, ce alif, Yuktab Mustaqillan. On l'écrit à part. Qala, Qawluhu, fi wasat al-kalima, Akhraj al-mad fi awal al-kalima, Fainu yursamu maddan bi ittirad. Kama taqaddam. Donc, dis maintenant, quand il dit au milieu des mots, cela exclut quoi? Le mad qui a en début de kalima. Car il s'écrit comme on l'a pris au début. Le med en milieu de kalima. Vous voyez, il s'écrit comme on l'a pris au début. C'est-à-dire, à la base, il y a un hamza. Ensuite, un alif. Comment on l'écrit? Alif avec le mot rouge. Donc ça, il n'y a pas de problème. Amma in kana fi akhir kalima, fanayul sam maddan. Fanayahu ra'a wa na'a. رسمت فيها الالف المتطرفه على صوره الياء فلا تتوالى الأمثال. Donc là maintenant, si ça vient à la fin d'un mot, on n'écrit pas le alif en med comme salen ra'a wa na'a. Pourquoi? Parce que le alif s'écrit comment là? C'est un alif matouya, à la forme d'un ya. Donc là, on n'a pas de alif d'affilée. D'accord? Donc pas la peine de faire de med. Et qara'a wa nasha'a. الألف فيها للاثنين نحو بدءا وبدءا تقدم في منون المنصوب إلى دون قرأ ونشأ الألف لكنا سي الألف للاثنين et dans les autres exemples c'est à la fin de mot الألف للاثنين en fin de mot on ne met pas en mettre on a dit. Et dans l'exemple de Bad'an et Mut'an, on a dit quoi? On ne met pas en Med. Parce qu'on a pris la règle hier. Dans le Ism Mansoub. Que si il vient prendre Hamza sur la ligne et qu'il n'est pas suivi d'un Alif. Hein? La même, Zem. S'il est suivi d'un Harf Sakin. D'un Harf Sakin. Quand même. Et qu'il n'est pas suivi d'un alif et qu'il ne s'attache pas. Ah, même qu'il ne s'attache pas avec la lettre qui, avec le alif, là, on l'écrit sur le centre. Et s'il s'attache, on l'écrit sur le nabra. Comme Shay'an ou comme là, il a mis Bat'an. Donc là, il n'y a pas de med. Donc il dit pour finir, Khurasat Masabak. Le Khurasat, ce qu'on vient de prendre. Il dit, Wajadna kelimatan mushtamilatan ala hamzat. من حقها أن ترسم سورة الأليف وبعض أليف في وسط الكلمة فإن لم تدل كلمة على اثنين رسمناها مدا d'accord donc si on trouve un mot qui a un Hamza en son milieu qui à la base s'écrit sur un Alif et qui est suivi par un autre Alif Sakin on écrit comment en Med et si jamais ce mot c'est un Musanna قال فإن لم تدل الكلمة على اثنين رسمناها مدا donc si jamais c'est pas مثنى on écrit en med d'accord c'est le fait que ce soit مثنى c'est une exception وإن دلت على اثنين maintenant si jamais un sens qui vient en duel فإن كانت فعلا رسمنا الحمزة رسولة الألف وبعدها ألف comme on a dit si jamais c'est un verbe à la fin du verbe c'est ألف الاثنين qui vient après un حمزة sur un ألف on écrit le ألف عادي il n'y a pas de med وإن كانت اسما نظرنا إلى ما قبل الحمزة. Et si jamais c'est un ism, par exemple c'est un مثنى, on regarde le حرف qui est avant الحمزة, comme on l'a dit tout à l'heure. فإن كان مفتوحا رسمنا مدا. C'est ce qui est avant le حمزة, c'est un حرف qui est مفتوح, on écrit le مد. Et si jamais يقول, وإن كان ساكنا رسمنا الحمزة على سطر وبعدها ألف. فهمت? Et si jamais ce qui est avant le حمزة, c'est un حرف qui est ساكن, alors à ce moment-là, le Hamza ne s'écrit plus sur le Alif, mais sur la ligne. Donc le Alif qui vient derrière, il s'écrit. Comme on l'a pris dans les règles du Ism Mansoub. Fahimt? Donc les autres qui me posent le problème au début, c'est le Sawa et Naam. Wa alaykoum salam. Donc ça, le Khurasa. Nafumada? Faylaouna wa alhamdulillah bil alamin.